Ngo Douiman. Bonjour à vous tous et merci d'être avec nous dans ce journal. Nous sommes le 21 août 2020. Voici les grands titres de cette grande édition, de cette mi-journée. Passation ce vendredi à travers tout le pays du test de recrutement du personnel enseignant des écoles fondamentales. Le constat de nos reporters sur les centres de passation à mairie de Bujumbura est que tout se passe bien. Le projet Soleil Nyanyakiliza bénéficiera d'un financement de 100 millions de dollars américains et couvrira plus de 90 000 ménages et plus de 4 000 petites entreprises, écoles et centres de santé. Un accord de dons a eu lieu entre la République du Burundi et l'Association internationale de développement IDA. On fera le point dans ce journal. Les techniques modernes de culture du riz permettent de produire plus avec moins de semences, selon le directeur général de la Société régionale de développement de Limbo. Cette société, la SRDI, couvrant aujourd'hui 3 provinces seulement, aimerait étendre son activité sur toute la plaine de Limbo. Voilà pour le sommaire. Bonjour. Plus de 700 arbres de type pinus couvrant une superficie de 2 hectares sont déjà endommagés par des gens qui creusent les troncs et retirent de petits morceaux utilisés souvent pour allumer le charbon. Novence Bigirimana, chef de chantier Rugazi à l'Office burundais pour la protection de l'environnement au BPE, fait savoir qu'il a déjà donné rapport aux autorités hiérarchiques. Spes Caritas Kabanyana. Ces personnes qui détruisent ces arbres dans les plantations frontalières à la Kibira en commune Rugazi sont des batois de Bukeye et ses environs en province de Murambia, selon le chef de chantier Rugazi à l'OBPE, Office burundais pour la protection de l'environnement. Novance Bigirimana fait savoir que ces batois traversent la Kibira armés de flèches, de lances, de machettes et quelquefois accompagnés de chiens pour intimider les agents de l'Office burundais pour la protection de l'environnement. Ils creusent alors les troncs de ces arbres pour tirer de petits morceaux appelés ibizuku, selon les habitants de Rugazi, et vont vendre ces tiges dans différentes provinces, surtout à Bujumbura. Et ces tiges sont utilisées pour allumer le charbon. Ces pinus deviennent alors fragiles quand il y a le vent et tombent parce qu'ils n'ont plus de support, selon les agents de l'Office burundais pour la protection de l'environnement, qui ajoutent que les endroits les plus menacés sont les localités de Gassou. Sumo, Anyengarange et Ndubura, où plus de 700 pinus sont déjà endommagés sur 2 hectares, selon Novance Bigirimana. Il demande que ces batois puissent bénéficier chez eux d'autres activités génératrices de revenus, car il le faut à cause de la pauvreté. Nyandwi Isaac, administrateur de la commune Rugazi, indique qu'il en est déjà au courant et précise que les autorités administratives, en collaboration avec les forces de l'ordre et les responsables dans la protection de l'environnement, sont en train de tout faire pour que ces plantations soient effectivement protégées. Spes Caritas Kabanyana en commune Rugazi pour la radio Isanganiro. Merci Spes. C'est environ 2000 ménages de la province Kayanza qui n'avaient pas de latrine adéquate ont pu s'en doter ces 6 derniers mois. Au niveau de l'administration, on se réjouit de cette étape franchie dans le domaine de l'hygiène et de l'assainissement. Et pour améliorer la situation, le gouverneur de la province Kayanza, Lemichi Shahayo, a instruit les administrateurs communaux de suspendre temporairement les amendes habituellement infligées aux ménages ne possédant pas de latrine et de les sensibiliser à le faire pour le bien de leur santé et celle de leur voisinage. Patrick Saint-Guillaume. Comme le montrent les données fournies par la Coordination Provinciale de Promotion de la Santé, l'Hygiène et l'Assainissement à Kayanza, au cours du deuxième semestre de l'année passée, environ 1990 ménages qui n'avaient pas de latrine ont pu s'en doter. Les mêmes données illustrent qu'au cours de ces 6 derniers mois l'année en cours, 2400 ménages avaient aménagé de latrine adéquate dans la même province. D'après Minan Sylvestre, le coordinateur provincial de la Promotion de la Santé, l'Hygiène et l'Assainissement à Kayanza, cette étape a été franchie grâce à la sensibilisation menée à l'endroit de la population par les agents de santé communautaire, conjointement avec les administratifs locaux. Ces sensibilisations étaient essentiellement portées sur les conséquences liées au manque d'hygiène et surtout le risque d'attraper les maladies des mains sales, indique toujours son responsable en charge de l'hygiène et l'assainissement à Kayanza. Il précise également que les ménages n'ayant pas de latrine sont principalement ceux des vulnérables et les familles de la communauté batois. Au niveau de l'administration, on dit se régir du pas déjà franchi dans son secteur de la promotion de la santé, l'hygiène et l'assainissement. S'exprimant à ce propos, Rémi Luchi Shahayo, le gouverneur de la province Kayanza, fait savoir que pour promouvoir de plus la santé de la population, une recommandation de suspendre temporairement les frais d'amende s'élevant à 10 000 francs et plus, qui était habituellement versé par les ménages ne possédant pas de latrine adéquate, a été adressée aux administrateurs communaux. Le gouverneur de la province Kayanza, Rémi Chishahayo, invite pour ce faire les administratifs à la base à multiplier des séances de sensibilisation à l'endroit des ménages vivant sans latrine, de les creuser et de bien les construire pour le bien de leur santé, aussi bien que pour la santé de leurs voisins. Depuis Kayanza, Patrick Nsengimba pour la radio Isanganiro. Merci Patrick. Les parents d'enfants fréquentant l'école fondamentale Gahoma de la commune Mabayi réclament un déménagement des 6 salles de classe menacées par les travaux de la société d'extraction de l'or Tanganyika Mining. Le responsable de cette société en commune Mabayi affirme que ces salles de classe vont bientôt être construites dans un autre endroit sur cette même colline. Le gouverneur de la province Cibitoke demande quant à lui au responsable de la société Tanganyika Mining de respecter cet engagement relatif au déménagement de ces salles de classe. Alexis Dairagiche. Les classes les plus menacées par les travaux de la société russe d'extraction d'or Tanganyika Mining sur la colline Gahoma sont nombre de 6. Les murs de ces salles de classe de l'Ecofo Gahoma sont remplis de fissures d'un moment à l'autre pouvant s'écrouler. Les parents des enfants qui fréquentent cette école s'inquiètent que ces murs peuvent tomber sur leurs enfants tout en demandant à la société Tanganyika Mining de construire d'autres infrastructures de cette école dans un autre endroit pour la sécurité de leurs enfants. Le responsable de la société Tanganyika Mining, Amabaï Isaac Ndaishimiye, indique qu'une place est déjà disponible pour le déménagement de ces salles de classe de Gahoma, précisant que cette société est prête pour la construction des infrastructures en démolition. Le gouverneur de la province de Cibitoke, Karim Bizoza, demande au responsable de la société Tanganyika Mining la construction de ces salles de classe afin que les enfants puissent suivre les cours en sécurité. Depuis Cibitoke, Alexis Ndairagije, Radio Isanganiro. Vous n'avez pas Isanganiro, vous ratez l'essentiel. La suite de ce journal, plus de 90 000 ménages et plus de 4 000 petites entreprises, écoles et centres de santé bénéficieront du projet Soleil Nyakiriza. Ceci ressort d'un accord de don entre la République du Burundi et l'Association internationale de développement IDA pour un montant de 100 millions de dollars américains. C'est au moment où le plan national de développement montre que le déficit énergétique est l'un des principaux obstacles au développement. Nous ferons le point dans quelques instants. La technique me montre que Mireille Kanyangé est déjà là. Voici son reportage. Ce projet Soleil Nyakiriza a été analysé et adopté par les deux chambres du Parlement burundais au mois de juin de cette année. Motivé par le déficit énergétique au Burundi, décrit par le Plan National de Développement 2018-2027 comme un des principaux obstacles à la croissance économique, ce projet mettra l'accent sur les zones rurales où vivent 90% de la population avec un accès faible à l'électricité. Cet accord de don entre le Burundi et la Banque mondiale via l'Association internationale de développement IDA porte sur un montant de 100 millions de dollars américains. Il montre que plus de 91 000 ménages, plus de 4 300 petites entreprises, 400 écoles et 400 centres de santé vont bénéficier de ce projet. Les 400 écoles et 300 000 ménages bénéficieront également des cuisinières propres et efficaces, dit le document analysé par les deux chambres du Parlement burundais. Selon toujours ce document, les activités du projet vont améliorer la qualité des services de santé et d'éducation dans les zones rurales du pays, avec environ plus de 6 millions de bénéficiaires par an. Cet accord de don se subdivise en 5 composantes, à savoir les services énergétiques pour les écoles et les centres de santé pour un montant de 27 millions de dollars américains, les services énergétiques pour les communautés rurales pour un montant de 37 millions de dollars américains, les services énergétiques aux ménages pour 17 millions de dollars américains et l'assistance technique, renforcement des capacités et appui à la mise en œuvre du projet pour 19 millions de dollars américains. Mireille Kanyangé. Et en bref, la journée du 24 août 2020 dédiée à l'élection des conseillers collinaires et des chefs de quartier, des chefs de colline ou des quartiers est déclarée jour férié, chômé et payé. Et c'est le contenu du décret présidentiel numéro 100/045 de ce 20 août 2020. et les techniques modernes appliquées dans la culture du riz, permettant la hausse de la production et la réduction des semences, dont la quantité passait de 60 kg et plus à 25 kg par hectare. Le directeur général de la SRDI, la Société régionale de développement de Limbo, l'a déclaré ce jeudi lors du lancement de la saison culturale B. Cette société, qui intervient dans trois provinces, demande à l'État d'étendre son activité sur toute la plaine de Limbo afin de vulgariser ses techniques à tous les riziculteurs. Charles Makoto, reportage. Ce sont certains des riziculteurs de la commune Gihanga dans la joie se félicitant des nouvelles techniques du riz. Jean Damasène Bayoubahé est l'un des agronomes de la Société pour le développement de la région de Limbo SRDI. Il explique qu'après le labour, suit l'introduction de l'eau dans les champs par canalisation pour faciliter l'effondrement des mottes. Les gros morceaux de terre sont concassés et le jour du repiquage, nous aplatissons la surface du champ avec une planche de bois. Cela permet à ce que l'eau soit équitablement répartie sur toute la surface du champ et éviter ainsi le champ de riz de s'assécher. Les techniques modernes sont également applicables dans la préparation des pépinières, comme l'indique Dolassie Bangiliguira, technicien à la SRDI. Selon lui, les phytosanitaires sont également utilisés contre la bénérate, une maladie qui attaque cette culture. Nous faisons d'abord la pépinière et nous y mettons des engrais avant d'y apporter les semences traitées et procéder au semis. Sur une superficie de 10 mètres sur 1 mètre, nous y semons un kilogramme de riz et de façon disparate. Sur un hectare, nous y sémons 25 kg, alors qu'auparavant, le hectare prenait plus de 100 kg. La culture moderne du riz implique également la plantation d'un plant sur une distance de 20 cm carrés. Ces plants sont alignés à l'aide des cordes marquées, fixées dans le sens de la longueur et de la largeur du champ. Ceux qui n'ont pas encore eu cette technique utilisent entre 6 à 10 plants dans un même trou. Félix Habonimana est le directeur général de la SRDI. Selon lui, il est impératif que la SRDI soit autorisée de suivre tous les riziculteurs de la région de Limbo en vue d'accroître la production. SRDI supervise les champs de riz sur une partie de la province Bouvanza, une autre partie de la province Bujumbura et une autre petite partie en mairie de Bujumbura. Normalement, la SRDI est chargée de superviser la culture de riz dans la région de Limbo, de la province Chibitoke jusqu'à Nyanzalak en province Makamba. Nous sommes en train de négocier avec le gouvernement pour inclure tous les riziculteurs dans notre programme afin qu'ils acquérissent des techniques d'augmentation de rendement de cette culture. Ceux qui ne bénéficient pas de la supervision de la SRDI produisent des quantités inférieures à celles produites par ceux que nous suivons. La SRDI, dit Félix Habonimana, compte aussi la production qui est aujourd'hui comprise entre 5 à 6 tonnes par hectare et atteindre 7 tonnes par hectare. Charles Makoto, éducation encore, c'est pour parler de l'enseignement des métiers au Burundi qui connaît certains défis, entre autres le manque de personnel qualifié, ce qui provoque l'abandon massif de cette section par les élèves. C'est le constat des intervenants lors d'une émission en synergie produite sur Isanganiro ce jeudi. Bigiriman Aliboire, porte-parole du ministère de l'Éducation, dit que des réformes pour redynamiser ce secteur sont en cours. Lydie Gahimbari. Au cours de cette synergie qui était centrée sur l'enseignement des métiers, le vice-président de l'association Bafashe Wige a dit que ce secteur comprend beaucoup de défis. Kassian Gashidahamwe estime que ces défis sont à l'origine du désintéressement des élèves. C'est vrai, le gouvernement a construit des écoles de métiers, mais malgré cela, elles se ferment les unes après les autres. Les élèves se sont désintéressés. Il n'y a pas de personnel qualifié. Même la section agri-élevage, qui est supposée être fonctionnelle, n'a pas d'enseignants. Au nom des parents, dans cette émission, David Ninganza a fait savoir que l'enseignement des métiers a connu des transferts au sein des différents ministères. Il s'inquiète des modalités de recrutement du personnel qualifié afin de développer ce secteur. C'est le secteur dans lequel il n'y a pas eu de politique avancée. En premier lieu, on a dit que c'est un département du ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Culture. On a ensuite dit le département du ministère de la Formation technique et professionnelle, et puis dans le ministère de l'Emploi, pour revenir au ministère de l'Éducation, qui va recruter les enseignants de ces élèves. Joseph Ndaïsaba, expert en éducation, appelle le gouvernement à mobiliser des fonds pour le renforcement des capacités des enseignants. Qu'il prévoit des moyens suffisants pour former les enseignants. Doter des moyens et matériels dans ces écoles de métiers, ça ne se fera pas dans une année ou deux années. C'est pourquoi il faut qu'il y ait un programme clair qui montre la manière de développer ces écoles de métiers. Bigirimana Liboire, le porte-parole du ministère de l'Éducation, fait savoir que le gouvernement est à l'œuvre pour faire des réformes dans ce secteur et demande au secteur privé d'y investir. Des métiers a été redynamisé dans l'objectif d'accueillir les élèves qui échouent au test national de l'école fondamentale. Lydie Figarimbare, je vous l'avais dit, passation ce vendredi à travers tout le pays du test de recrutement du personnel enseignant des écoles fondamentales sur certains centres de passation dans la capitale Bujumbura, comme à l'école Stella Matutina. Cinq candidats se sont vus refuser de passer ce test alors qu'ils étaient sur la liste des candidats retenus. Les organisateurs de ce test disent que les épreuves ont commencé à temps et qu'il n'y a pas eu de problème. Ezekiel Nikumwenayo. Il est 9h30 à l'école fondamentale Stella Matutina. On appelle les candidats par les numéros et ils montrent leur place. L'examen va débuter vers 10h45. Parmi les candidats qui ont été présélectionnés pour passer le test de recrutement, n'ont pas eu droit à faire l'examen. Les responsables du centre les ont présentés en écrit qui dit que leur présélection a été faite par LR. Leurs diplômes ne sont pas requis selon toujours cette correspondance. Moi, je me dis que quand on cherche quelqu'un qui enseigne la physique, la meilleure des qualifications serait celui de l'IPA 5. Donc, je ne comprends pas pourquoi on a privilégié celui de l'IPA 3. Alors qu'il y a d'autres qui ont, je dirais, de l'expérience, voire qualification supérieure par rapport à de l'IPA 3. Donc de là, moi je ne comprends pas. En même temps, un des candidats qui se prépare à débuter le test nous fait part de satisfaction. Je sens que c'est un moyen vraiment favorable pour être recruté à l'emploi. La passation des tests est un bon chemin à l'obtention d'emploi. Non seulement dans le domaine éducatif, mais aussi dans tous les domaines concernant la vie de l'État. Si on donne la chance à tous les relayés de passer les examens avant d'être recruté. Dans de tels métiers, il y a de l'expérience avec un passage d'examen, mais avant, on parlait de corruption. Lorsqu'on passe un examen écrit et on donne la correction, tu es rassuré de ce que tu as fait, tu obtiens l'emploi dans des circonstances vraiment qui t'admire. À ce centre, sur 489 candidats attendus, 51 cas d'absence ont été enregistrés à mairie de Bujumbura. Le même examen s'est déroulé à l'école fondamentale Kanyosha 2 en commune Muha et Olisengagara Stiwe en commune Nahangwa. Ezekiel Ndikumwenayo, et c'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Il est 13h15 à Bujumbura. Merci à toute l'équipe de la rédaction qui m'a aidé à réaliser ce journal. Mise en onde par Toussaint Mitebotsi. Au micro Jean Bosco Nouima, on a passé un très bon après-midi.